Bloody Paris de Tito Topin. Je l'observe par-dessus l'écran de l'ordinateur. Ses cheveux noirs, souples, coupés à quelques centimètres au-dessus des épaules, s'agitent au moindre mouvement de la tête. Ses yeux sont de la même couleur. Le regard ne fuit pas. Son nez remonte légèrement de façon espiègle dans le prolongement du front. Son teint est mat, la peau bronzée, couleur de noisette. Ses dents, parfaites, éclatent dans une bouche mutine. La fossette au menton accentue le caractère enfantin du visage, cependant que toute son attitude est celle d'une femme. Pourquoi l'avez-vous tué ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Vous deviez avoir un mobile. Je l'ai tué, il n'y a rien à dire de plus. Si je vous demande ça, c'est par égard pour votre jeune âge, 15 ans. Certains mobiles comme des mauvais traitements, par exemple, peuvent vous valoir des circonstances atténuantes. J'ai jamais été maltraitée. Je mets pas en doute vos aveux, mademoiselle. Mais il importe aussi de savoir pourquoi vous l'avez tué. Et si c'est pas à moi que vous le dites, ce sera au juge d'instruction. Et si c'est pas au juge, ce sera au tribunal. Donc autant le dire tout de suite. Pourquoi ? Vous voulez savoir pourquoi ? Je l'ai tué parce que je suis la veuve de mon père. Ça vous va comme réponse ? Cette gamine te rend malade depuis que tu l'as arrêtée. Il te faudrait une bonne analyse. Décidément, tout le monde me croit à ma boule. Est-ce qu'ils vont réparer les ascenseurs ? Quand ils seront à Pélal. Je te remercie de ton optimisme. En attendant, sors-moi le dossier concernant le père de la petite. La petite ? Quelle petite ? Et celle qu'on a arrêtée hier. Il faisait quoi, ton père ? Bûcheron. Pourquoi ? Bon, rien. Tu me le sors, ce dossier, ou je dois remplir un formulaire en 4 exemplaires ? Il n'y a pas de dossier. Je crois pas. Moi, je crois que oui, tête de mule. Il y a eu suicide. Donc, il y a eu autopsie. Trouve-le. Je te supporte de moins en moins. Sympa. Et je pense que ce serait bien que tu fasses une psychanalyse. Je me suis renseignée, j'ai une adresse, un numéro de téléphone, t'as plus qu'à appeler. Ma jupe ! Excuse-moi, pardon. C'est pas grave. Je suis bonne pour le pressing. Et quel Qu'est-ce qu'ils ont tous à me prendre pour un malade? Guillaume Atrides, 48 ans. Né à Paris en 1967, de parents naturalisés français, d'origine grecque, marié, une enfant, Colline. Élève brillant, Guillaume Atrides passe son bac au lycée Jean Valjean. Il prépare le concours de Saint-Cyr Couëtquidan qu'il termine à la deuxième place. Il intègre ce corps dans la promotion maréchal Leclerc en même temps que le général Malipert, actuellement commandant la BSPP, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Note ce nom du pré. Général Malipert. Sorti avec le grade de capitaine. Il suit le cours de perfectionnement des officiers de l'école d'application de l'arme blindée cavalerie de Saumur. Diplômé de l'école d'état-major de Compiègne, puis breveté de l'école militaire, il est nommé conseiller militaire aux affaires politiques avec les barrettes de colonel. Alors qu'il est appelé à de hautes fonctions ministérielles, il demande son affectation aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Il en revient avec le grade de général de brigade, mais bouleversé par ce qu'il a vécu durant son séjour, il se jette du quatrième étage de son appartement parisien après avoir absorbé une grande quantité de pentobarbital. L'enquête a conclu au suicide. Note pentobarbital. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est une lotion pour faire repousser les cheveux? Tu te vaporises les aisselles où tu mouches, Dupré? Bon, c'est plus connu sous le nom de nambutal. Les Suisses s'en servent pour euthanasier leurs vieux, les Américains pour exécuter leurs noirs. Eh bien, explique-moi pourquoi un cador comme Atrides a besoin de se balancer par la fenêtre au lieu d'attendre, peinard, sur son fauteuil, que le truc fasse son boulot. Et explique-moi pourquoi il avale cette saloperie s'il a l'intention d'exécuter un plongeon. C'est un militaire. Il veut être sûr d'y passer, alors il ne mégote pas. Je m'étonne seulement qu'il n'ait pas essayé de se tirer une balle dans la tête en sautant. Dupré, t'es cynique. Je sais. T'es con. Merci, papa. Allez, viens, bouge ton cul. Vous avez bien connu le général Atrides. Pensez-vous qu'il était homme à se suicider? Il croyait en Dieu, capitaine, si c'est la réponse que vous attendiez. Les juifs de Masada se sont suicidés en masse pour échapper à l'esclavage des Romains, et pourtant ils croyaient en Dieu. Les juifs? Des tas de chrétiens se suicident aussi. Qui vous dit que Dieu pardonne leurs péchés? Pourquoi croyez-vous qu'il a créé l'enfer? Je voulais pas nous entraîner dans une discussion théologique, mon général. J'essayais simplement de savoir quel type d'homme était le général Atrides. Dans l'ordre? Un bon soldat, un bon mari, un bon père. Et le bon soldat a laissé tomber femme et enfant pour aller barouder en Afrique, tandis qu'une brillante carrière s'offrait à lui dans un ministère. Comment expliquez-vous sa décision? Atrides n'était pas le genre de soldat à obtenir ses galons dans les couloirs des gouvernements. Voilà pourquoi. Vous avez des enfants, commandant? Aucun rapport. Vous en avez trois, si j'en crois la photo sur votre bureau. Je suis sûr que vous avez choisi le corps des sapeurs-pompiers pour pas avoir à vous éloigner d'eux. Vous n'avez pas à préjuger de ce que j'ai fait ou n'ai pas fait. Excusez-moi. L'asthme. Vous l'avez vu quand, pour la dernière fois? La semaine avant son assassinat. J'ai bien entendu. Vous venez de nous dire qu'il a été assassiné? Vous êtes venu me voir pourquoi, capitaine Giraudoux, si vous n'étiez pas arrivé à la même conclusion? J'ai rien dit dans ce genre. Votre visite, alors que le dossier est clos, parle pour vous. Si vous permettez, messieurs, je dois mettre fin à notre entretien. Un exercice avec des nouvelles tenues thermiques. Juste une question. Une dernière. Assassiné par qui? Désolé, je suis déjà en retard. Un nom? Donnez-nous un nom. Merci de votre visite. La sortie est au bout du couloir. À gauche. Mon général... Il raconte n'importe quoi. Hein. Voilà un type qui dit la vérité alors que personne la lui demande, et il dirait n'importe quoi. T'es vraiment con, Dupré. Madame Ricochard ? Oui. C'est au sujet d'Hortensia Trilès. Vous étiez sa meilleure amie. Je n'arrête pas de la pleurer. Quel drame. Entrez, je vous en prie. Comment l'avez-vous su ? Par la radio. Terrible. Un choc. J'ai immédiatement téléphoné, je suis tombée sur vous, vous étiez sur place. Superbe maison que vous avez là. C'est exceptionnel d'avoir une vue pareille sur le parc. Et nous avons beaucoup de chance. Mais il ne faut pas le voir le dimanche. C'est plein de joggeurs en sueur. Vous étiez ici quand c'est arrivé ? Vous n'êtes pas en train de vérifier mon alibi, capitaine ? Évidemment pas. Vous connaissez la meurtrière aussi bien que nous. C'est la pire chose qui pouvait arriver à Hortensia. Sa propre fille. Vous n'avez pas répondu. À vrai dire, j'hésite à le faire, mais vous n'allez pas me lâcher, donc autant en finir. J'étais chez mon amant et je vous donne son nom avant que vous me le demandiez. Jean-Claude Martinez. Un garçon plus jeune que moi, maquilleur et professionnel à la Makeup Glamour Academy of Paris, qui a commencé par s'occuper de mon visage avant le reste. Heureux homme. Je l'envie. Merci, capitaine. Je le prends comme un compliment. C'en est un. De quoi tu te mêles ? Votre mari est au courant ? Disons que mon mari et moi avons les mêmes goûts. J'aimerais beaucoup les partager avec vous. Nous sommes un cercle très fermé, capitaine, qui exige la cooptation de tous les membres pour une nouvelle admission. Je ne désespère pas d'avoir ma carte de club. C'est payant ? Dupré. Quartier Plaisance. La Villa Léon est une allée étroite, verdoyante, comme on en voit quelques-unes à Paris pour peu qu'on se donne la peine de franchir un porche. Celui-ci a la forme d'un fer à cheval. À l'intérieur, les ateliers qui bordent l'allée étaient à l'origine des boxes pour chevaux, d'où leur petite taille. Dans les années folles de Montparnasse, qui ont suivi la Grande Guerre et vu la fin de l'ère hippomobile, des artistes impécunieux, pour la plupart étrangers, s'y sont installés, chassés par les soubresauts de l'histoire, comme le russe Ponomarev, un petit homme voûté, l'air inquiet en permanence, et qui ne se nourrissait que de yaourt. Du moins, personne ne l'avait jamais vu avec autre chose lorsqu'il revenait des courses. D'autres, plus aisés et en quête d'exotisme montparnassien, comme le franco-américain Henri Goetz, y ont séjourné avant de se défenestrer d'un cinquième étage, comme Atrides, pour des raisons connues de lui seul. Mais depuis que les prix du foncier ont pris l'ascenseur, les artistes ont cédé la place à des bobos friqués, tels que Jean-Claude Martinez, accessoirement maquilleur de cinéma, bien qu'à ce jour il n'ait exercé ses talents que dans un court-métrage tourné en 16 mm, dont la vedette était un chien. Capitaine Giraudoux, mon adjoint, le lieutenant Dupré, qui vous a téléphoné. Je vous attendais. Un verre de rosé ? C'est pas de refus par cette chaleur. Remarquez, je me plains pas. Je suis pour le réchauffement de la planète. Et tant pis si les pingouins signent une pétition. Vous aussi, lieutenant ? Oui, moi c'est pareil, j'aime pas les pingouins. Je parlais d'un petit rosé, merci. Ah, je ne sais pas. Non, pas lui. Il est en service. C'est lui qui va vous poser les questions. Où vous étiez quand le général Atrides s'est suicidé ? Ici même, avec sa femme. On vous a sûrement dit qu'Hortensia et moi, on avait des relations. C'est-à-dire que son mari était parti si longtemps. C'est terrible ce qui leur est arrivé. Je m'en remets pas. Des glaçons ? Non, merci. Vous avez raison, il est à la bonne température. Je suppose que vous avez des témoins. Pourquoi des témoins ? Il s'est suicidé. D'après votre coup de fil, je croyais que vous vouliez des renseignements sur le meurtre d'Hortensia. Soyez aimable de bien vouloir répondre à mon adjoint. Il n'est pas très malin, mais je lui accorde de la suite dans les idées. Excellence, Rosé. C'est un Côte de Provence ? Côte d'Aix. J'étais pas loin. Alors ? Ces témoins ? Je n'en ai pas, à vrai dire. C'était un mercredi. Il pleuvait cet après-midi-là. Et il n'y avait personne dans l'allée. Il pleuvait ? Genre giboulet, un beau soleil, et pof, la pluie tombe. Nous étions seuls, Hortensia et moi, à l'intérieur, quand son portable a sonné. Moins vite, j'écris. La nouvelle est tombée. Sont tombées la pluie, la nouvelle et le général. Ça fait beaucoup. Pardon ? Vous nous dites que toutes ces choses-là sont tombées le même jour. Il y en a une de trop. Car vérification faite auprès de l'autorité des télécommunications, le portable de Madame Atrides ne se souvient pas de cet appel. Ce qui me fait dire que si elle n'a pas été avertie du suicide de son mari par téléphone, c'est qu'elle était tout bonnement avec lui quand il s'est défenestré. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Que vous racontez des salades. Que vous êtes inconnu à la Make-up Glamour Academy of Paris. Que vous tirez vos revenus des dames que vous honorez de votre esprit et que le rosé est vraiment un côte de Provence. Plus exactement, un bandol. Attendez, attendez, c'est un interrogatoire ou quoi ? Je ne vois vraiment pas pourquoi on reparle de cette histoire. Je veux bien en reprendre un peu. Si c'est un interrogatoire, je vous conseille d'interroger Colline plutôt que moi. Elle vous racontera ce qu'elle a fait à sa mère. Oui, elle l'a tuée. Mais elle le dit trop vite. Et je me demande si je dois la croire. Qu'en pensez-vous, monsieur Martinez ? C'est à vous de voir. C'est vous, les flics. Dupré ? T'as une autre question à poser à monsieur Martinez ? Une question, peut-être pas, mais une demande à un professionnel, oui. Pouvez-vous me gommer ces rides ? Non ? T'es trop con, Dupré. Fais tes excuses à monsieur Martinez. Je m'excuse. Donc, plus de questions ? Non, plus besoin. Nous savons que Madame Atrides n'était pas ici et que vous n'étiez pas seule. Une dame mariée, en effet. Une amie de Madame Atrides, Madame Esther Ecochard, née Bibas. Ce n'est pas vrai. Allons, Monsieur Martinez. Nous lui avons rendu visite. Elle a très spontanément admis que vous faisiez des galipettes ici quand ça s'est passé. C'est pas bien de mentir, Monsieur Martinez. Surtout à la police. T'as raison, Dupré. C'est même condamnable. Donc, on est d'accord ? Madame Atrides était chez elle quand son mari a fait le grand plongeon, et vous étiez ici avec Esther et Cochard. Quelque chose à ajouter, monsieur Martinez ? Non. Merci pour le rosé. Monsieur Ecochard ? Oui. Capitaine Giraudoux. Merci de nous recevoir aussi vite, le lieutenant Dupré et moi-même. Je vous en prie. Je sais que vous enquêtez sur la mort d'Hortensia Atrides, une amie intime de ma femme. C'est très triste. Suivez-moi. Vous êtes bien installé ? En tant que vétérinaire, nous travaillons 10 heures par jour avec ma collègue, autant le faire dans de bonnes conditions. Vous avez de la chance, car nous on bosse bien davantage et dans de pires conditions. Pourtant, on a quelque chose en commun, vous et moi. C'est qu'il nous arrive de donner la mort. J'espère le moins possible en ce qui vous concerne. Ça dépend pas de nous. Par contre, vous ne mettez pas au monde. Détrompez-vous. Il arrive que de pauvres filles mettent leur gros ventre sur le compte des hamburgers et appellent police secours au dernier moment. Nous, nous nous tuons avec ça. Mais vous, comment vous procédez pour tuer un animal ? On ne le tue pas, capitaine. On l'euthanasie. Je tiens cette nuance. Une piqûre, naturellement. Rarement un comprimé. Vous vous intéressez à notre travail ? Prenez une nature curieuse. Dupré, tu veux bien descendre de cette table ? Tu te prends pour un chien ? C'est ma table de consultation. Excusez-moi. Vous êtes en bon terme avec votre femme ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien, rassurez-vous. Vous connaissiez Madame Atrides ? Oui, bien sûr. Elle venait dîner à la maison. Avec son mari ? Non, il était en Afrique, je crois. C'était un militaire. Aviez-vous une relation intime avec elle? C'est indispensable que je réponde. Je comprends votre étonnement, mais il s'agit d'un meurtre très particulier et nous examinons tous les aspects du drame. Sa fille a avoué, c'est vrai. Mais nous n'avons toujours pas de mobile. Nous enquêtons pour comprendre où ça a dérapé. Oui, je couchais avec Hortensia. Ah. Nous sommes un couple libre, capitaine. C'est dans nos conventions de départ. Si ça choque la morale, tant pis. Comment avez-vous vécu sa mort? Nous avons pleuré, ma femme et moi. Je vous remercie de votre franchise, monsieur Ecochard. Je vous raccompagne. Pauvre bête. Vous n'allez pas l'euthanasier, j'espère? Non, rassurez-vous, ce Tekel est en pleine forme à présent. Son maître ne va pas tarder. Vous les euthanasiez comment? Vous m'avez dit par piqûre, mais de quoi? D'arsenic? Nimbutal. On ne vous embête pas davantage. Mon boss, le commandant Marquet, est un copain d'études. Nous sommes sortis la même année de l'École nationale supérieure de la police, à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Lui avec le grade de commandant, car c'est un bosseur. Moi avec celui de capitaine, parce que j'ai eu de la chance. Depuis, notre amitié ne s'est jamais démentie. T'es à côté de la plaque, Giraudoux. La petite me fait de la peine, Marquet. Elle a 15 ans. Alors j'essaie de l'aider pour que sa vie finisse pas tout de suite à la poubelle. Ne raconte pas de salade. T'as vu mon affiche, je suis Charlie. Super. T'y penses encore? Ça te travaille? Je peux pas faire autrement. Elles sont nées le même jour, toutes les deux. 1er janvier de ce putain de millénaire. C'est une coïncidence, rien d'autre. Je suppose que des tas d'enfants sont des jours-là. Je sais. Mais on nous a appris à pas croire aux coïncidences. D'ailleurs, j'ai un service à te demander. Je voudrais profiter de l'enquête pour faire une analyse ADN. Je comprends pas. Entre qui et qui? Entre la petite et moi. Colline et moi. T'es barjot, Giraudoux. Comment tu peux croire que cette gamine pourrait être la tienne? C'est une enfant légitime, avec des parents et tout. Plus de parents. Dans le trou, les parents. Elle tue sa mère quelques jours après le suicide de son père. Pour essayer d'en comprendre la raison, il est normal que je remonte aux circonstances de ce soi-disant suicide. Pourquoi soi-disant? Tu te crois plus malin que les autres? Un officier supérieur, habitué au combat, se jette par la fenêtre après avoir pris des comprimés alors qu'il a un pistolet chargé dans le tiroir de son bureau. T'y crois, toi? Je crois au résultat de l'enquête. Mais chez nous, les flics se suicident avec leur arme de service. Il leur vient pas l'idée de sauter par le balcon. Mais où tu veux en venir, à la fin? Que la scientifique s'est gourée, que le légiste a pas fait son boulot? Il s'est suicidé. Point final. Je me fous de savoir comment. Pas moi. Je veux la vérité et pouvoir le dire à sa fille. Tu me fous la trouille. Tu fais un putain de transfert à la con. Je peux cloper? Ouvre la fenêtre. Puis tiens, file-moi une. Je croyais que t'avais arrêté. Bah, moi aussi. Mais avec tes conneries, tu m'énerves. Qu'est-ce que ça peut te foutre qui a tué qui, hein? Tu sais comme moi que les trois quarts des crimes de sang sont en famille. Il est plus dangereux de rester chez soi, le cul dans son fauteuil, que de traverser la rue d'en face. Et c'est ni toi ni moi qui allons changer ça. Ça a commencé avec Carré et Abel, et depuis ça n'arrête pas. Mais pourquoi t'es tout rouge? Et les Atrides, les Borgia. Calme-toi. Dans quoi tu vas foutre les pieds, Giraudoux? Atrides s'est suicidé. Point final. Et tu vas me faire le plaisir d'oublier la petite Colline et de te mettre, comme tout le monde, au service de Vigipirate. Avec une Kalachnikov en collier autour du cou? Putain. Il y a des jours où je croirais que t'es un enculé d'anarchiste si je savais pas que t'es branque. Tu devrais voir un psy. Il y a que ça pour te remettre d'aplomb. Fais-moi plaisir. Ordonne cette analyse d'ADN. D'accord. Mais à condition que tu te fasses soigner. Que tu déballes tes tripes et ta cervelle sur un divan. Sinon, tu vas mal finir. Tous ces bons conseils, parce qu'il se peut que je sois le père de la petite. T'es pas son père, tu m'entends? Son père s'est suicidé. Ramassez la petite cuillère. Répète après moi. Suicidé. Dis-le. Suicidé. Encore une fois. Assassiné. Quel âge as-tu, Colline? Vous le savez bien, vous avez mes papiers. Je lis dans le journal. Colline Atreides, née à Paris à l'aube du siècle, le 1er janvier 2000. Le même jour que ma fille, Mylène. Fille du général Guillaume Atreides et d'Hortensia Atreides, née Hortensia de la Ferrière, tous deux décédés tragiquement. Je peux pas y croire. Je t'aurais donné 20 ans. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en seconde. T'es en avance. Félicitations. T'as un bel avenir devant toi, et ne serait-ce que pour ça. Tu devrais m'aider à te tirer de là. Comment ça? En arrêtant de me rabâcher que tu l'as tué, en me disant la vérité. Tes parents s'occupaient bien de toi? Papa, surtout. Avant qu'il parte en Afrique. Ma mère, c'était pas pareil. Elle venait d'une famille très bourgeoise, elle avait l'habitude d'être servie, de laisser d'autres personnes s'occuper de moi. Comment tu as vécu le suicide de ton père ? C'est pas un suicide. Comment ça ? Ma mère couchait pendant que papa était pas là. Et elle a continué quand il est revenu sans même chercher à se cacher. Pour toi, c'est un crime ? Non. C'est comme un crime, parce que c'est à cause d'elle que papa s'est suicidé. Faut savoir, il s'est suicidé ou pas ? La faute à ma mère, c'est comme si elle l'avait poussé. Depuis que je t'écoute, tu dis ma mère. Tu dis pas maman, alors que tu dis papa. Je fais pas gaffe. Je suis allé chez toi. J'ai un peu farfouillé dans ta chambre pour essayer de comprendre. Sur les photos de tes parents, t'as découpé ta mère avec des ciseaux. Explique-moi ce que tu veux dire par « je suis la veuve de mon père ». Tiens, mouche-toi, j'aime pas te voir pleurer. Sur les photos, tu leur ressembles pas à tes parents. Je ne trouve pas. La même bouche que le père. Tais-toi. Et alors ? Allez. Mouche-toi un bon coup. Je t'ai assez embêté pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'irai te voir en tôle parce que le juge a demandé ton incarcération. L'épicerie du coin a baissé le rideau de fer. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir le dimanche et la police l'a fermé. C'est la coiffeuse du salon voisin sortie fumer une clope qui me l'a dit. J'ai dû faire mes courses à la supérette de la rue Brézin. Un sale clébard a pissé dans l'ascenseur de mon immeuble. Si je l'avais vu, je l'aurais euthanasié à coups de pompe. Son maître avec. Il n'y a pas de glaçons. congé l'hommage plus, mon lapin, tu sais bien. Moins fort, s'il te plaît. J'ai envie d'un enfant. Je vieillis, je le vois bien. Je m'attendris sur les enfants des autres. Je pense qu'il serait plus normal de m'attendrir sur les miens. Depuis quand tu t'attendris, toi? Ça t'étonne? On en a déjà parlé, le débat est clos. La production de la planète commence au coin de la rue, me fait des avances. Les conditions sont intéressantes et je serais folle de ne pas accepter. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai 42 ans. Le temps de faire un môme, je serai à la retraite quand il en aura 20. Tu te rends compte? Je me rends compte que tu m'écoutes pas. Que c'est pas toi qui vas te trimballer un gros bide, les nausées qui vont avec, plus quelques mois pour torcher le bébé. Oh bah moi ça veut dire presque 2 ans sans bosser. Autant dire que je perds l'opportunité de ce nouveau job. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis trop jeune pour penser à un môme. Tu dois te trouver quelqu'un qui approche de la quarantaine, qui a les mêmes besoins de pouponner que toi. Tu parles sérieusement? T'en auras la casquette de moi, mais comme t'es charitable, tu veux pas me laisser tomber avant que je trouve quelqu'un d'autre, c'est ça? Si je dois te quitter, je le ferai. Point. Et pourquoi tu me proposes de faire un môme avec une autre? Parce que si tu veux un gosse, c'est pas avec moi que tu le feras. Tu sais quel âge aurait ma fille si on me l'avait pas volée? 15 ans. C'est facile à compter. Elle est née en 2000, avec ce siècle, le 1er janvier. C'est ton histoire, mon lapin, pas la mienne. On est ensemble depuis 4 ans. Tu crois pas qu'on pourrait se marier? Penser à autre chose qu'à ta carrière. À la première ride, au premier cheveu blanc, tu seras viré, remplacé par une plus jeune. Et ce sera trop tard pour refaire ta vie. Tu dis n'importe quoi. Tu sais rien de mon boulot. Figure-toi que j'ai arrêté une fille de 15 ans qui a tué sa mère. J'ai beau me dire qu'il y a une chance sur 1000. Je peux pas m'empêcher de fantasmer. Je vais jusqu'à lui trouver des ressemblances avec moi. Mais tu tournes pas rond. Tu devrais voir un psychanalyste. Ah, t'y mets pas toi aussi, hein. Puis tu te répètes. Écoute-moi, chérie. Si tu veux baiser une copine qui accepte, vas-y. Yes, you can. Mais compte pas sur moi pour faire la nounou. T'aurais pas fini de baiser que je t'aurais quitté. C'est ça, mon existence? Un boulot qui me mine, Nadège qui baisse qu'une fois par semaine, le mardi, Nadège qui veut pas quitter son studio, ni se marier, Nadège qui a les dents qui rayent le parquet et les miennes usées jusqu'aux gencives, Nadège parcourant le monde pour aller filmer des indiens à string et à plumes ou des bonobos à cul rouge, et moi qui quitte jamais Paris, car je déteste tout à la fois la montagne, la mer et la campagne. Et si je te disais que je l'ai trouvé? La femme de 40 berges que tu me conseilles. Si je te disais qu'elle est dans mon lit tous les jours où t'es pas là. Mais qui? Tu la connais pas. Elle est riche. Elle est super. Elle a de beaux seins. Elle voudrait des jumeaux et on fait ce qu'il faut pour ça. demain pour mes affaires. Un de ces quatre. Il valait mieux que je prenne les devants, quitte à lui mentir. Vous pouvez pas nous laisser seuls. Je dois pas laisser sans surveillance une détenue mineure avec un adulte. C'est le règlement. Très bien. Je vous ai apporté de la musique. Si vous voulez bien écouter ce qui vous plaira. Je suis pas là pour écouter de la musique, capitaine. Vous devez surveiller nos gestes, en effet. Mais pas ce qu'on dit, madame. Comment te sens-tu? C'est horrible. C'est moche, ça pue. Vous allez me sortir d'ici, dites. Bon, je vois. Ma question est idiote. Tu flippes. Si tu as besoin de quelque chose qui t'aide à tenir le coup, une télé, une radio, des jeux, du chocolat, à toi de me dire. Non, ça va, merci. Je peux t'inscrire à des cours par correspondance. Tu perds papier dans tes études. Pas la peine. S'il vous plaît. Vous allez pas me laisser là. Je peux essayer de te sortir d'ici, Colin. Mais j'exige la vérité. Celle que j'ai envie d'entendre. Je veux être sûre que vous pouvez. Et je vais essayer, je te dis. Je te promets pas. Expliquez-moi d'abord pourquoi vous voulez m'aider. Pourquoi j'aurai confiance. J'ai une fille de ton âge. Elle est née le même jour que toi. Ah. Comment elle s'appelle? Mylène. À cause du millénaire. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Vous êtes fâché? On l'a volée à la clinique, le deuxième jour. C'était la plus jolie, alors forcément c'est celle qu'on a volée. Ma femme est morte d'un cancer quelques mois plus tard. Un cancer de chagrin. Celui dont on guérit jamais. Je suis désolée pour vous. Moi, ma mère, je l'ai tuée. C'est ça la vérité. Un criminel ne revendique pas son crime comme tu le fais. C'est pourtant vrai. Imagine que tu sois ma fille. Ma Mylène. Imagine que je sois ton vrai père. Tu me cacherais rien, n'est-ce pas? Tu me dirais quand l'idée t'est venue de la tuer. Tu as vécu ça comme une injustice. Tu as tenu ta mère pour responsable. Tu as trouvé le pistolet de ton père. Il avait demandé le divorce avant de quitter l'Afrique. Il te l'avait dit? Oui. S'il voulait divorcer, comment tu expliques qu'il s'est suicidé? Je sais pas. Je sais plus, vous m'embrouillez. Tu n'étais pas là? Non. Papa m'a accompagné à mon cours de théâtre. Il devait rester avec moi, mais il a changé d'avis. Il m'a dit qu'il viendrait me chercher à 6h à la sortie du cours. Il est jamais venu. Quand tu as couché avec lui pour la première fois? Qui vous l'a dit? Toi. Je suis la veuve de mon père. plus de souvenirs. Vous allez trouver ça mal. Je ne juge pas. L'inceste, c'est puni. T'as pas eu d'inceste, puisque c'est moi ton père. Tu as été violée. J'insiste, c'est pas pareil. Ma mère m'a engueulée, je sais plus pourquoi. Elle m'a traitée de tous les noms. Je suis allée dans ma chambre, je me suis jetée sur le lit, j'ai fait une crise de nerfs. Il est venu. Il m'a serré les poignets pour que j'arrête de m'agiter. Et comme je continuais, il s'est couché sur moi pour me calmer. Je l'ai senti. J'ai arrêté de pleurer, de bouger. Il m'a lâchée. J'ai passé les bras autour de son cou. Mon papa. J'avais 13 ans. Après, c'est moi qui voulais. Je le provoquais. D'abord, il voulait pas, et puis... Il t'a violé. Il a eu honte du mal qu'il t'a fait. Il est parti. Horrible. Je l'ai détesté pour ça. Tu lui écrivais tous les jours. Tu le mettais au courant du comportement de ta mère. Des fois, j'exagérais. J'inventais pour qu'il revienne. Il revient. Et il recommence. Comme avant. Comme avant? Ta mère le tue. Tu vas dans le bureau de ton père. Tu prends son arme. Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-nous! Le pistolet a failli m'échapper. J'ai tiré encore une fois. Elle est tombée par terre et j'ai tiré encore. Et l'autre qui arrive à ce moment-là, qui ouvre la porte, il appelle la police. L'autre? Jean-Claude. Jean-Claude Martinez? Si c'était à refaire, je le referais. Pas de contact physique. Le temps est passé, c'est terminé, capitaine. Merci, Mylène. Merci de ta confiance. Mais ce que tu m'as dit, je le dis à personne d'autre. Pas même à ton avocate. Ça reste entre nous. Entre toi et moi. D'accord? Juré. C'est pas elle qui l'a tué. Sans déconner. Téléphone, consultant l'ordinateur antédéluvien qu'on promet toujours de changer, écoutant des bandes enregistrées, notant des phrases, rassemblant des feuilles de service, surlignant en feutre rouge des paragraphes entiers, collant des post-it, sirotant trois verres d'Irlandais dont la bouteille est enfermée dans le tiroir du bas sous une chemise marquée confidentielle. À ma demande, une gardienne noire avec des ongles peints en bleu est venue mettre mes notes au propre et m'apporter les pièces à conviction. Le pistolet d'Atrides qui a servi au meurtre, les douilles. J'ai enfilé une paire de gants. J'ai ouvert, délicatement, sans déchirer l'étiquette, le sachet d'indices contenant le pistolet. Un semi-automatique italien Beretta 92 en dotation dans l'armée. J'ai effacé les empreintes de Mylène avec un chiffon. Le chargeur dans un autre sachet. Il manque les deux munitions utilisées contre Hortensia. J'ai enclenché une cartouche dans la chambre de combustion, vidé le reste du chargeur, enfilé l'arme sous le veston. Il fait nuit quand un taxi me dépose Villa Leone. Les fleurs des Troènes exhalent une douce odeur après la chaleur de la journée. Le cinquième atelier à droite laisse filtrer des lumières à travers les rideaux. Des centaines de minuscules moucherons tournoient dans ses rayons. La porte, à moitié vitrée, est mal ajustée. Julio Iglesias passe par les interstices, entrelardés de gémissements. Je pousse la porte. Roucoulement, soupir, corps nus enlacés, se bécotant, se mordant, se vautrant, poitrine haletante, visage avide, humecté de salive. Clic-clac. Nu comme Athénia, le soi-disant maquilleur prend les deux femmes en photo. Tous trois regardent mon arme avec des yeux ronds. Je tire. Le Nikon explose entre les mains du pornographe. Hurlement. Odeur de poudre. Mur éclaté. Une litho tombe. Nuages de verre brisé, de plâtre, de briques. Les deux femmes debout, accrochées l'une à l'autre sur le matelas instable, pleurant, implorant. Martinez hystérique, main tremblante, côte apparente, ventre mou, tripes nouées, cuisses maigres, gros genoux sur lesquels coule une flaque intestine. « Je vais te buter, mon salaud !» je lui dis. Je m'approche de lui, bras tendu. Je plaque le canon sur ses côtes et me détourne vers les femmes. « Arrêtez de brailler, vous deux !» Comme je l'avais prévu, Martinez profite que je regarde d'ailleurs pour me faire une prise de gamin et me piquer le pétard que je lui cède volontiers. Il recule, l'agite comme s'il cherchait à se débarrasser d'un autocollant. « Fais pas l'imbécile, je dis. » Et brusquement, je fais un geste vers lui. Affolé, il appuie sur la détente. Flop, de ronflant. J'éclate de rire et le lui reprend par le canon. « Bande de dégénérés !» je lâche, en entourant discrètement l'arme d'un mouchoir avant de l'empocher. Madame Écochard a recouvert ses beaux seins d'un drap. Je vois le ventre plat, la promesse sombre entre les cuisses, les taches de son de sa compagne, la foufoune roussâtre, les mèches d'algues de la lourde chevelure, les hanches de garçon. J'attrape le bras de Madame Écochard. « Habille-toi, j'ai à te parler. » Elle obéit, en pleurs. Larmes d'humiliation. Dehors des voisins, à bonne distance, le comportement hésitant. « La gazinière a explosé, je lance. J'ai coupé le gaz, plus de risque. Rentrez chez vous. » Atrides accompagne sa fille. Il doit revenir que le soir. Tu retrouves sa femme, tu lui files le nambutal qu'elle t'a demandé, tu as piqué au cabinet de ton mari. Et vous vous mettez au pieu, à faire vos pieuvres molles avec vos jambes et vos bras, et l'autre voyeur clic-clac Kodak. Manque de bol, le général revient et vous surprend. Grosse scène. Sa femme lui file un verre pour le calmer, avec le nambutal. Mais c'est une force de la nature, il gueule encore. Lequel de vous trois le pousse ? Quand revient Mylène... Qui est Mylène ? Elle prend le suicide de son père en pleine poire. Elle sait pas que vous étiez présent. Pour elle, sa mère est responsable. Ça mijote dans sa cervelle de gamine et quelques jours plus tard, elle prend le pistolet du général lorsqu'arrive le voyeur clic-clac Kodak, venu lui apporter les photos cochonnes. La voyant braquer sa mère, il cherche à lui arracher l'arme. Elle se défend. Le coup part. Pan. Un autre encore. La mère est morte. La petite est tétanisée, incapable de parler. Il appelle la police. Il fait croire qu'il est arrivé après le drame. Viré classé. Très bien. Merci, monsieur. Vous attendez de moi. Je t'efface du meurtre du général, bien que tu aies fourni l'arme du crime, le nambutal. Tu l'as pas poussé, la fenêtre est trop haute, c'est Martinez. D'accord. Et pour Hortensia, c'est encore Martinez. Je compte sur toi pour témoigner. Cette fois-là, j'y étais pas. Eh, mais tu l'as revu depuis. Il t'a raconté la scène, telle que je viens de te la décrire. Elle va dire que je mens. Bah, bien sûr que tu mens. Mais nous sommes que deux à le savoir. Et c'est toi qu'on croira, parce que de mon côté, j'apporte les preuves. Je serais pas inquiétée pour le nom Butel. Pas si tu me dis pourquoi ta copine voulait tuer son général de mari. Ah, c'est lui qui avait l'argent. S'il divorçait, Hortensia n'aurait pas eu un sou. Elles sont bonnes, tes huîtres ? Les réparateurs d'ascenseurs sont en plein boulot, de nuit. Dans la cage, ce sont craquements, voix, commandements, sifflements de câbles, de poulies, bruit de grilles qui s'ouvrent et se ferment. Je n'allume pas en rentrant dans mon bureau. Je me file une giclée de ventoline et les gestes sûrs, je replace le Beretta dans son sachet avec les empreintes toutes neuves de Martinez. Ni vu ni connu. Esther m'attend dans la voiture. Chez toi ou chez moi ? Tu aimes les blondes ? Trois jours plus tard, une enveloppe du laboratoire d'analyse génétique est posée sur mon bureau. Je la décachette. Bulbe de cheveux, méthode par PCR, probabilité d'erreur zéro. Négatif. N'importe quoi ce document. J'efface, néga, je tape possible et imprimé. Pas de neuf ? Depuis quand t'as pas changé de chemise ? J'en ai changé ce matin, figure-toi. J'en ai une douzaine pareilles. Je les alterne tous les jours. Tu les laves jamais ? J'ai pas le temps de les salir puisque je les porte qu'une journée. Un raisonnement à la Dupré, imparable. J'ai eu l'avocate de Colline au bout du fil. Elle s'est rétractée. Les images lui sont revenues. Elle visualise bien comment Martinez a tué sa mère. La pauvre petite. Elle donne les détails. Je comprends pas. Martinez est coupable ? Il a été arrêté ce matin. Il nie, mais une analyse plus approfondie des empreintes de l'arme l'accuse. En plus, ce con a avoué son crime à sa maîtresse, la femme du vétérinaire. Je dois aller chercher la petite à sa sortie de prison. Après, je ferai une demande de paternité. Mais en attendant, j'ai obtenu un droit de tutelle. J'aurais jamais cru ça possible. C'est quoi, ça ? C'est les résultats de ton test ADN ? Alors ? Ben, lis. Positif ? C'est vraiment ta fille ? Elle a toujours senti confusément qu'elle n'était pas comme eux. Crois-moi, elle est ravie. Ravie d'échapper à la tôle, je la comprends. Dupré, t'es con. J'en suis fier, patron. C'est de père en fils. Ça va ? Ça va. Donne-moi ton sac. Thank you. J'y retourne plus. Non, c'est fini, Mylène. Ça te dérange pas que je t'appelle Mylène? Bien sûr que non, puisque c'est mon vrai nom au départ. C'est quoi cette bosse sous ton veston? Mon arme de service. Pourquoi? C'était Bloody Paris de Tito Topin, avec Philippe Weissert, Frédéric Antoine, Pauline Bell, Bruno Pavio, Noémie Landreau, Elisabeth Vitali, Olivier Cruveillet, Jacques Poiterrier, Julien Lucas, Laurent Cléry, Estelle Meyer. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistance technique et montage, Philippe Mercher. Prise de son et mixage, Cédric Chatelus. Assistante à la réalisation, Litorquia. Réalisation, Étienne Vallès. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.